choisi. C'est comme ça qu'on est ici, à invoquer les esprits du tonnerre et de la nuit. Temps pour battant, c'est parti. Allez, nous jouons pour ce soir, sous le sombre étendard, prêt pour le grand chambard. Allez, les Spartakites. Et d'Urruti.